Au-dessus des nuages, soleil plein. J'ai la fusée mais je repars pas sans les miens. Et sous les nuages, on est plein. Tu connais le visage mais tu connais pas l'humain. Quand je rappe un couplet sous les nuages, je reçois des plaintes. Prie le ciel pour pas m'écarter du bien. Au-dessus des nuages, soleil plein. J'ai la fusée mais je repars pas sans les miens. J'suis dans Paris Sud sur les marais chauds. Derrière moi y'a une marée de jeunes. J'ai des marées de chaud. Si je m'arrête je pars pas avant le but dans les arrêts de jeu. Faut pas abuser des bonnes choses. Je les ai sur le dos comme Poncho. Ils veulent me gratter comme Banjo. Ils n'ont plus de vie comme Banjo. Certains m'appellent senpai. J'serais pas sympa si on s'aime pas. J'ai des relations mais j'm'en sers pas. Si t'es un serpent ta main j'serre pas. J'm'esquisse sec j'suis un octambule. J'esquisse quelques notes dans le bus. Tu parles mal développe ton but. Ce serait bête que les notes t'enculent au-dessus des nuages. Soleil plein, j'ai la fusée mais je repars pas sans les miens. Et sous les nuages, on est plein. Tu connais le visage mais tu connais pas l'humain. Quand je rappe un couplet sous les nuages, je reçois des plaintes. Prie le ciel pour pas m'écarter du bien. Au-dessus des nuages, soleil plein. J'ai la fusée mais je repars pas sans les miens. Venu dans le rap pour te dire ce qu'on pense. La musique c'est rien mais ça compense. Dans la voiture la fumée ce qu'on danse. On dirait qu'on se tape alors qu'on danse. Trop de sourcils français. J'ai la parole donc je suis au front certes. Mais leur sale guerre il affronte seul. Si j'ai le front seul suis-je français. Tête de guéron c'est rare qu'on me contrôle. Mais je risque de béton si les vices ils me fouillent. Dans la pénombre soyez l'armageddon. La tête sur le béton quand je faisais le fou. J'ai mangé des pénoms mais je n'ai pas les noms. T'inquiète maman c'est bon je me suis blessé au foot. Je redeviens humble les yeux vers le ciel. C'est pas l'homme qui a créé le feu c'est la foudre des nuages. Soleil plein, j'ai la fusée mais je repars pas sans les miens. Et sous les nuages, on est plein. Tu connais le visage mais tu connais pas l'humain. Quand je rappe un couplet sous les nuages, je reçois des plaintes. Prie le ciel pour pas m'écarter du bien. Au-dessus des nuages, soleil plein, j'ai la fusée mais je repars pas sans les miens.